Au numéro 2. Nanyango. Mwana mamami Mwana mamami na papa agwepa Yaya Didi Olomide Legi ya Joniko Papa na Bobby Stone Nari Stott, Tobo Sainte, mais c'est le plaire. Zenith Olympia, merci, Ezandenga. Na petit mère, la pépé à Kunzi. Na mère Malou, va faire la katirita au manga. Ma collègue, nous avons beaucoup trop. Merci, papi. Merci, merci, merci, moi, la maman amie.